J'apporterai le capoté K et du M, graines de café et médailles cubaines. Rennie et Free et So On, pénurie au charbon on. Tous les jours j'fais des So On, reliqué on des temps on. Coffre arrière, chargé, Big Graveur, chargé, Claude 17, chargé, P38, chargé. J'écris plein de versets, la nuit écoute le flingue te bercer. Tounsi, j'suis comme le prince de Bercé. Dans mon bidiaque, du vin de verser. Je dessine comme un peintre perché. C'est triste et c'est en vain de me cerner. Chérie, viens dans le neuf à me chercher. La brebis ferait mieux de craindre le berger. Je vais te perforer l'abdomen avec le sabre de Kylo Ren. L'empereur a le capote et Kai du M. Y'a que quand j'ai de la mic, tu m'aimes. Faut pas se fier à la taille du nem. Que des bails cruels qui t'agraillent. Tu fermes, fume le dry, du bled, tease le sky, cul sec. La cam est pure si tu sniffes un rail, tu saignes. Écoute en boucle sur iTunes, mec. Ou viens nous voir en freestyle sur scène. Grâce à mes dernières trouvailles sur le net, j'ai enfin tout l'attirail suprême. Ces hommes qu'on me ravitaille du crème, comme ces bâtards qui exploitent les failles humaines. N'essaie pas de compter le time, tu perds avec ta bande de rapailles pubères. Sur le toit, j'ai des rurties et sur ma bite, une chevelure curly. D'une vieille dame ou d'une jeune fille, j'entends son cœur qui bat. Mais gros, je m'en bats les couilles à ce cœur. Si tu sais qu'on est deux spies, je vois très clair à travers mes lunettes de ski. Frère, tu ferais mieux de croire tout ce que je dis. Veulent que je meure vite, mais je joue à ce jeu depuis longtemps avec une seule vie. Je vais viser leurs chevilles, ils sont tous lents comme des chenilles. J'ai toujours une arme dans le puzzle ou bien dans le sac Burberry. Passe à l'attaque, pas de repli. Marche sur des flaques de ce pi, mec à chaque track je rajeunis. Comme un Mac je mérite ma pupille. Spécialisé dans les meuries, je ne vous mets que des flugies. Écoutez, retournez comme Chun-Li, boum. Rennie et Free et So On, pénurie au charbon on. Tous les jours j'fais des So On, reliqué on des temps on. Coffre arrière, chargé, Big Graveur, chargé, Claude 17, chargé, P38, chargé. Rennie et Free et So On, pénurie au charbon on. Tous les jours j'fais des So On, reliqué on des temps on. Chargé, dans la zone on bigrave à mort. On baisse ta mère si t'appelles les porcs. Cagoulé pour un guet-apens, pour un plan braco ou de faire la peau. J'suis impliqué dans des charbons, des histoires chelous avec des gravons. C'est des putes, ils ont tous bavé devant les condés, chacal c'est pas nous. Y'a des P38 et des Glock. On arrive, on les chante, choque. On a écoulé tout le stock. Là j'ai que du cash dans ma poche. Besté, chacal, on les fuck. Ammoniaque mélangé à la coke. Gazinière, là j'suis dans la plante. J'vais rejoindre Alka et coq, motherfuck. Rennie et Free et So On, pénurie, on charbon on. Tous les jours j'fais des So On, reliqué on des temps on. Coffre arrière, chargé, Big Graveur, chargé, Claude 17, chargé, P38, chargé. Rennie et Free et So On, pénurie, on charbon on. Tous les jours j'fais des So On, reliqué on des temps on. Coffre arrière, chargé, Big Graveur, chargé, Claude 17, chargé, P38, chargé.